La Corée concentre ses efforts à la production des plants d'arbres. Le personnel de la pépinière centrale près le ministère de la Protection territoriale et de l'Environnement a réalisé la scientifisation, l'industrialisation et l'intensification de la production des plants d'arbres pour cultiver plus de 25 millions de plants des dizaines d'espèces nécessaires au rétablissement forestier, notamment mélèzes de Tanson et cryptomeria. Les cadres et travailleurs de la province du Liangan ont aménagé de modernes pépinières et réglé par leurs propres forces les problèmes scientifiques pour la production des plants d'arbres. Ils ont ainsi produit des dizaines de millions de plants d'arbres, soit 1,3 fois plus que l'année passée. Les pépinières des villes et arrondissements de la province du Hamgyong du Nord aussi obtiennent de grands succès dans la production des plants d'arbres.